Chapitre 20. En prévision de la cérémonie du tirage au sort, toutes les femmes de la communauté furent priées de venir s'inscrire auprès de Gunnarsson. Lasse de retourner le problème en tous sens, Ami, cédant à une impulsion, décida de tenter sa chance. Elle se rendit dans la grande salle du conseil tribal et s'assit en face du Suédois. Celui-ci trônait entre deux anciens bocaux de mayonnaise anglaise, à couvercle vissé, où s'accumulaient déjà les bulletins des participants mâles. Les femmes, elles, devaient inscrire leur nom sur un morceau de papier, le plier en quatre et le glisser dans le second bocal. Ami jugea le rituel puéril. Au vrai, cette parodie administrative l'agaçait. Elle se demanda si Gunnarsson allait poser les scellés sur les pots de mayonnaise lorsqu'il aurait recueilli tous les noms. Elle faillit pouffer. Alors, s'enquit le Suédois, c'est décidé, vous restez avec nous. Vous n'accepterez pas que j'intègre le clan si je ne me soumets pas au tirage au sort, n'est-ce pas? Non, ce serait injuste pour les autres femmes. Et les hommes ne le toléreraient pas. Je vous l'ai déjà expliqué, pour être dispensé du mariage temporaire, il faut avoir moins de 15 ans ou plus de 60. Je ne peux pas faire d'exception, s'afficherait tout le système en l'air. Or, c'est grâce à ce système que notre petite société tient debout et que j'ai réussi à écarter durablement la menace des viols collectifs. C'est un système qui profite surtout aux hommes, non? Vous êtes injuste, ma chère. Parmi ces femmes, il s'en trouve qui sont incapables de travailler, soit parce qu'elles n'en ont pas la force, soit parce qu'elles sont dépourvues de la moindre habileté manuelle. Dans une société primitive, elles seraient rejetées par le clan, condamnées à périr. Grâce à la loterie, ces femmes seront nourries et logées par leurs maris temporaires, et cela même si elles ne participent pas aux activités du clan. Nourries, logées et le reste, songea Ami, ce dont elles se passeraient peut-être. Gunnarsson poussa devant la jeune femme un buvard, sur lequel reposait un porte-plume et un rectangle de la taille d'une image pieuse. « Vous allez devoir prendre une décision, » fit-il d'un ton où perçait l'impatience. Vous ne pouvez pas bénéficier de notre hospitalité sans accepter de vous soumettre à nos règles. Je suis désolé, mais il vous faudra participer à la loterie où vous en allez. Il n'y a pas de troisième choix. Ami saisit le porte-plume, le trempa dans l'encrier. Elle savait que le Suédois fabriquait lui-même son encre avec de la suie et du charbon de bois. Un jour, il lui avait interminablement exposé les différentes méthodes employées par les moines du Moyen-Âge pour parvenir à concocter une encre qui résistât au temps et à la lumière sans devenir rousse. Elle avait failli périr d'ennui. D'une plume nerveuse, elle traça « Ami Sweetheart ».« Ce n'est pas mon vrai nom, » songea-t-elle aussitôt. « Donc ça ne m'engage à rien. » « Tiens, » s'étonna Gunnarsson. « J'avais cru comprendre que vous vous appeliez Gudrun Ranke. » Aucune importance, soupira Ami en se levant. Elle faillit ajouter, « Ami, Gudrun, de toute façon je n'ai pas de nom. Je suis juste la fille aux cheveux rouges. » Elle quitta la grande hutte avec le sentiment d'avoir commis une erreur dont elle ne tarderait pas à se repentir. Tous les regards se tournèrent vers elle. On savait désormais qu'elle participait à la loterie. C'était officiel. Tout au long de la journée, les hommes multiplièrent les attentions à son égard. Chaque fois qu'elle croisait l'un d'eux, il lui adressait un sourire ou la saluait en touchant d'un doigt son chapeau de paille. Les femmes, elles, se montrèrent encore plus bougonnes qu'à l'ordinaire. Voilà, pensa Ami en regardant le soleil se coucher. C'est fait. Je vais bientôt entamer la seconde partie de ma vie. Elle décida de se donner un an. Un an pour assimiler les techniques de survie, le jardinage, la science des herbes médicinales. Au bout de 12 mois, il faudrait qu'elle soit en mesure de se débrouiller seule, de construire une cabane, de planter un potager, d'affronter les dangers de la jungle. Alors elle quitterait le clan des bûcherons pour aller s'établir à l'autre bout de l'île. Si Sharon acceptait de l'accompagner, elle serait la bienvenue. Quant à Siegfried, peut-être, à ce moment-là, serait-il aux États-Unis, occupé à négocier les joyaux de la couronne britannique, ou mort au fond d'un lagon, fusillé par les marins d'Eric Weser, à moins qu'il n'ait été abattu par les mécaniciens. Forte de ses résolutions, elle se promit d'affronter le tirage au sort avec sérénité. Dans les jours qui suivirent, une fièvre sournoise s'empara du campement. Les hommes ne tenaient plus en place. De plus en plus souvent, ils s'arrêtaient de travailler pour regarder passer les femmes en échangeant des commentaires à voix basse. Cette atmosphère de foire aux bestiaux finit par entamer le sang-froid d'Amy. À deux reprises, elle faillit rassembler ses affaires et s'enfuir en pleine nuit pour aller chercher refuge auprès de Coolidge. Seule l'aversion physique que lui inspirait cet homme la dissuada de passer aux actes. Elle prit conscience qu'elle ne disposait d'aucune solution de repli. Le jour de la cérémonie arriva enfin. Gunnarsson avait fait dresser pour la circonstance la grande table des banquets. Bien qu'il réprouvât la consommation d'alcool, il avait accepté qu'on serve de la bière au cours du repas. Les réserves de Devaux avaient donc été dévalisées. L'atmosphère était électrique. Hommes et femmes avaient consacré l'après-midi à faire toilette. On s'était lavé, coiffé, avant de passer des vêtements propres. Un petit orchestre équipé d'instruments approximatifs avait été chargé d'assurer l'ambiance. Amy était sur les nerfs. « Je suis folle », ne cessait-elle de se répéter. « Qu'est-ce que je fiche ici ?» Elle se sentait dans la peau d'une vache de concours, ça n'avait rien d'agréable. Le Suédois parut, ses deux bocaux à mayonnaise dans les bras, tel Moïse portant les tables de la loi. Après s'être installé de manière à présider l'assemblée, il se racla la gorge et déclara « Chers amis, ce soir encore nous allons procéder à la loterie du mariage comme nous le faisons depuis 7 ans. Pour ceux qui ont fait naufrage au cours de l'année, et sont donc nouveaux parmi nous, je vais rappeler les règles du tirage au sort. Elles sont simples, mais irrévocables. Comme vous le savez tous, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, dans la proportion de 1 pour 10. La fonction du tirage au sort est donc d'assurer une rotation des unions et de fournir à chaque garçon l'espoir de trouver une compagne, indépendamment des notions de beauté, de charme et de séduction. Ici, tout le monde a sa chance. Tout le monde se retrouve sur le même pied, les beaux et les laids, les timides et les séducteurs. Ces unions, lorsqu'elles seront formées, resteront indissolubles pour la durée d'un an. Je veux dire par là que personne, je dis bien personne, n'aura le droit de s'y soustraire sous peine d'expulsion immédiate et définitive. Le silence s'était fait, seulement troublé par le grésillement des insectes qui venaient se brûler les ailes à la flamme des bougies. Amy avait la gorge serrée. Ses jambes tremblaient tant qu'elle devait se cramponner à la table pour ne pas défaillir. Aucune manifestation de colère ou de déception ne sera tolérée, reprit Gunnarsson. La cérémonie devra se dérouler sans scandale et chacun devra faire preuve de politesse envers les autres membres de la communauté. Les malchanceux sont priés d'accepter leur défaite avec philosophie, les autres veilleront à avoir le triomphe modeste. Amy avait chaud, la sueur perlait à ses tempes. Alors qu'elle levait la main pour s'éponger, elle surprit le regard de Chico Palatino posé sur elle. Dès que leurs yeux se rencontrèrent, le chanteur brésilien tourna la tête. La jeune femme fit de même, avec trop d'empressement peut-être. Solennellement, Gunnarsson dévissa les couvercles obturant les bocaux de mayonnaise. Il prenait de toute évidence un plaisir extrême à jouer les grands prêtres. Amy eut l'impression qu'il faisait durer les choses avec sadisme, ralentissant ses gestes, multipliant les pauses superfétatoires. « Je vais commencer, » annonça-t-il. « Je dirai d'abord le nom de la femme, ensuite celui de l'homme. À cet instant, le couple sera formé pour 1 an. Je ne veux pas entendre de protestations, d'injures ou d'exclamations à caractère vexatoire. C'est compris ? » L'assemblée baissa la tête. « Bien, » fit le Suédois, « couple numéro 1. » Plongeant la main droite dans le premier bocal, il y pêcha un papier qu'il déplia d'un mouvement du pouce avant de l'élever à la hauteur de ses yeux. « Lola Variego !» annonça-t-il d'une voix étonnamment puissante. En fournant la main gauche dans le second bocal, il recommença son manège et annonça « Esteban Valdoso. Par cette rencontre du hasard, je déclare le premier couple constitué. » les oreilles d'Amy s'étaient mises à bourdonner. Elle ne chercha même pas à identifier les heureux gagnants. Elle était tout entière crispée dans l'attente du moment où son nom serait prononcé. Le rituel se poursuivit, lent, insupportable. Gunnarsson ne faisait rien pour accélérer les choses. C'était son heure de gloire et il en dégustait chaque minute avec délectation. Les noms résonnaient dans la nuit et le vent de la mer les emportait loin au-dessus de la jungle, comme s'il importait que la nature soit informée des caprices du hasard. « Je vais m'évanouir, » pensa Amy. « Je suis folle de m'être prêtée à cette parodie de mariage. » Elle se demanda ce qui l'avait poussée à cette extrémité. La peur de la solitude, le besoin physique d'un compagnon, un pur calcul de survie. N'ayant que 11 femmes à mettre en circulation, Gunnarsson ne pouvait prétendre faire durer la cérémonie toute la nuit. On sentait qu'il le regrettait. Il aurait volontiers porté un toast au nouveau marié chaque fois que le hasard associait deux membres de la communauté. Soudain, Almi crut qu'un courant électrique lui traversait la colonne vertébrale. Le Suédois venait d'annoncer Amy Sweetheart. À travers le brouillard de la confusion mentale, elle vit le petit homme plonger la main gauche dans le bocal des candidats masculins. Elle eut la nette impression qu'il procédait encore plus lentement que pour les précédents postulants. Enfin, après avoir déplié le papier et l'anona, Chico Palatino. Le cœur d'Amy rata un battement. Au même instant, un murmure de mécontentement courut autour de la table. Des dizaines de regards, brillants de fureur, se tournèrent vers Amy, l'épinglant. Une femme jeta dans son assiette la fleur qui ornait son décolleté. Trois hommes crachèrent sur le sol avec ostentation. La rumeur enfla. Alors, avec une autorité frisant la sauvagerie, le Suédois tira de dessous ses hardes un colt Webley de la marine britannique et en frappa la table comme il l'aurait fait avec un marteau. « Le silence » hurla-t-il. « Je ne tolérerai que le silence. » Tout le monde se tut. La loterie s'acheva sur l'annonce des derniers noms, puis chacun s'assit et le repas fut servi. Les musiciens se mirent à jouer un air gai, vaguement mexicain, inspiré du répertoire des mariachis. Les plats commencèrent à circuler, mais le cœur n'y était pas. Hommes et femmes chuchotaient avec hargne, le nez dans leur assiette, et quand ils relevaient la tête, c'était pour dévisager Amy d'un air méprisant. « Il l'a acheté, » crut entendre la jeune femme. « Ça lui était facile, c'est lui le chef de chantier. Sans lui, le Suédois n'est plus rien. » Amy se força à manger, mais la nourriture passait mal. La révolte couvait. Tout se passait comme si Gunnarsson avait commis une faute, comme s'il était allé trop loin. « C'est toujours truqué, bien sûr, » cracha une matrone. « Mais là, trop c'est trop, il se fout de nous. » Alors seulement Amy comprit qu'elle avait été d'une naïveté d'adolescente. « Où avais-je la tête ?» se dit-elle, gagnée par le vertige de la confusion. « La loterie n'est qu'un simulacre, bien sûr. Soit Gunnarsson distribue les femmes, comme un instituteur décerne des récompenses à ses meilleurs élèves, soit il les cède aux plus offrants. Il ne s'agit pas d'un tirage au sort, mais d'une vente aux enchères. » Le sang se retira de son visage et elle eut très froid. Le Suédois l'avait vendu à Chico Palatino et elle avait été trop stupide pour deviner ce qui s'organisait dans son dos. « Ses équifiles d'apprentissage, songea-t-elle, il s'étranglera de rire. » Le banquet terminé, Gunnarsson ouvrit le bal en valsant avec la plus vieille femme de la communauté, une Colombienne de 74 ans. Des couples se formèrent en renaclant, puis s'élancèrent à leur tour sur la piste. La musique était atroce, et l'odeur des insectes carbonisés par la flamme des bougies donnait la nausée à Amy. Elle aurait voulu rentrer sous terre ou s'enfuir dans la jungle. Tout à coup, Chico fut là, près d'elle, dans l'ombre. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, mais c'était le seul moyen de vous protéger. Nous avons triché, c'est vrai. » Mais c'était pour vous épargner le pire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces types disaient de vous. Il fallait les entendre détailler ce qu'ils comptaient vous infliger si le tirage au sort vous jetait entre leurs mains. Je ne pouvais pas laisser faire ça. J'ai fait pression sur Ulf, je l'avoue. Il est très strict. Il ne voulait pour rien au monde entendre parler de trucage. Alors, je l'ai menacé de m'en aller, d'abandonner la construction de la tour et d'aller travailler chez les mécaniciens. Il a fini par céder. Il ne pouvait pas faire autrement. Je suis le seul, ici, capable de se faire obéir des charpentiers. Sans moi, le chantier tombait à l'eau. Voilà, vous savez tout. Ils le savent, répondit Amy sans se retourner. Ils l'ont deviné, ils ne vous le pardonneront pas. Non, admit Chico, mais ils s'y feront, parce qu'ils ont peur de moi. Sur l'échafaudage, je suis le maître, et s'ils me cherchent noise, un accident est vite arrivé. La jeune femme demeura silencieuse. Elle ne savait plus ce qu'elle éprouvait. De la révolte, du dégoût, de la honte, de l'excitation? C'était trop confus. Elle espéra qu'il allait se montrer gentleman jusqu'au bout et déclarer, comme dans les romans roses, « Nous ne consommerons pas ce mariage si vous ne le désirez pas. Personne ne le saura. Ce sera notre secret. Plus tard, peut-être, quand vous m'aurez pardonné. » Mais son instinct lui dit qu'il n'en ferait rien. Elle le devinait à son souffle précipité, à son odeur d'homme, à ses mains qui trituraient nerveusement une fleur arrachée à la garniture de la table. Il suait l'impatience par tous les pores de la peau. Il n'attendrait pas, non. Elle décida de précipiter les choses. « Venez, dit-elle en s'éloignant de la piste de danse. Inutile de nous donner en spectacle. » Les doigts brûlants du Brésilien se nouèrent sur son poignet. Une semaine plus tôt, elle aurait parié que ce simple contact la ferait fondre. Mais elle n'éprouva rien. Elle était engourdie, dédoublée. Elle sut qu'elle assisterait à ce qui n'allait pas manquer de suivre, telle une voyageuse embusquée au trou de la serrure. Ce ne serait pas à elle que ces choses arriveraient, mais à une inconnue, une fille dont elle ne savait presque rien, une fille aux cheveux rouges. Titubante, elle se retrouva dans la case de Chico. L'abri était plongé dans l'obscurité. Amy réalisa qu'elle ne conservait pas le souvenir d'avoir un jour partagé le lit d'un homme. L'amnésie l'avait dépouillée de cela aussi. Elle était faussement neuve devant l'acte. Les gestes, l'expérience, ce qu'il fallait oser ou pas, elle n'en avait aucune idée. « Je vais avoir l'air d'une gourde, se dit-elle, tandis que Chico l'attirait contre lui. » Elle tenta de se rassurer en se répétant qu'elle n'avait qu'à faire confiance à son instinct. Son corps saurait réagir, lui, il avait sûrement conservé dans ses fibres la mémoire des nuits qu'elle avait passées dans le lit d'autres hommes. Elle s'abandonna, mais rien ne vint. Tout lui parut étrange, bizarre, ridicule. Les halètements de Chico, la sueur de Chico, ses cris, tout cela avait quelque chose de disproportionné avec la petite gymnastique à laquelle ils étaient en train de se livrer. Elle fut sur le point de lui murmurer « Allons, calme-toi, tout ça n'est pas si important. » Elle le trouvait grandiloquent, attendrissant aussi de se mettre dans un tel état pour si peu de choses. C'était comme de se soumettre à une exploration médicale d'un genre particulier. Heureusement, l'épreuve fut terminée en 5 minutes et l'homme roula sur le flanc. Amy demeura immobile, trempée de sueur. « Voilà, pensa-t-elle, c'est fait. Ça va durer 1 an. Ce ne sera pas si terrible, on doit s'y habituer. Je craignais que ça ne prenne davantage de temps. » La tension nerveuse se relâchant, elle bascula dans le sommeil. Hélas, au cours de la nuit, Chico la réveilla 3 fois. Elle ne protesta pas. « C'est l'affaire de quelques semaines, songea-t-elle. Il finira par se lasser. » Ce qui la gênait, ce n'était pas de livrer son corps à un casier inconnu, mais plutôt l'idée que tous les hommes de la communauté étaient en train d'imaginer dans les moindres détails la scène qui se déroulait en ce moment même dans la case de Chico Palatino. Elle avait l'impression de les sentir autour d'elle, là, dans la chambre, telle une armée d'ombres silencieuses encerclant le lit. Elle comprit qu'elle aurait le plus grand mal à affronter leur regard le lendemain matin.